بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنشرع أيها الإخوة اليوم في الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف حفظه الله تعالى Aujourd'hui, chers frères, on va commencer le deuxième hadith qu'a cité l'auteur, hafidhahullah. Et donc l'auteur, il nous dit, al-hadith al-thani, an Ubadah ibn al-Samit, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Et donc selon Ubadah ibn al-Samit رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui atteste que nulle divinité mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé, et que Muhammad est son messager et son que Mohammed est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, ainsi que sa parole. Ici, le mot kalima, je l'ai traduit par parole. Qu'est-ce que tu en penses, Durey? Kalimatuhu, sa parole. Tu préfères que je dise sa parole ou son mot? Sa parole. Pourquoi pas son mot? La mafsoud du kalima, c'est... Mais ça veut dire quoi, pas... kalima? Ça veut dire quoi, kalima, dans la langue? Un mot qui a un sens. Un mot qui a un sens. Ouais. Et parfois, ouais, les nahouïens qui nous disent que le kalima, c'est un mot. Mais que parfois, le kalima, c'est... Ce qui est voulu, c'est... C'est une phrase. Voilà. Ils disent parfois, le kalima, c'est une phrase. Ça, c'est les nahouïens. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il réplique à cette parole. Et il dit qu'il est important que les gens, quand ils apprennent la langue arabe, ils apprennent la langue des salafs. Ils apprennent la langue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la langue des compagnons. C'est leur langue à eux que tu dois apprendre. Il dit pourquoi? Parce que au fur et à mesure que le temps passe, les gens changent le sens des mots. Ils ont changé le sens des mots. Et il a donné des exemples, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et parmi ces exemples-là, le mot kalima. Il a dit lan tajida fi nusus ash-shar'i min al-kitabi wa sunnati wa aqwal al-arab al-qudama ma yadullu ala anna kalima bi ma'na al-mufrad. Al-kalima bi ma'na al-jumla. Il dit tu ne trouveras pas dans les textes du Coran, de la Sunna, ni dans les paroles des anciens arabes le fait que le mot kalima veut dire un mot. Il dit kalima, ça veut dire une phrase. Dans le Coran, le mot kalima, dès qu'il est cité, c'est une phrase. Dans la Sunna, le mot kalima, dès qu'il est cité, c'est une phrase. Même ici. Ici, ce qui est voulu par là, wa kalimatuhu, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a crié Isa en disant kun. Certains vont me dire, ouais, mais kun, c'est un mot. On va dire, non, kun, c'est une phrase. D'accord? Et donc, c'est important. C'est important qu'on apprenne la langue arabe, la langue des salafs, la langue des plus prédécesseurs, la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la langue des compagnons. Donc, c'était une petite parenthèse. Et donc, Isa, qui est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a donc insufflée à Maryam, et ainsi que Ruhun Minhu. Le mot Ruh, je ne vais pas le traduire pour l'instant. Allez, on va citer un des sens, un esprit venant de lui. Un esprit venant de lui, on va voir cela, Inch'Allah ta'ala. Cheikh al-Islam aussi, il a expliqué le sens du terme « ruh » dans son livre « Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Messih ». Dans le deuxième volume, il a abordé le sujet « Réplique aux chrétiens » concernant leur compréhension du mot « ruh » où ils vont avoir justement la croyance au Saint-Esprit. Et celui donc qui atteste que le paradis est la vérité, et que le nar, que le feu est vérité, alors Allah tabaraka wa ta'ala le fait rentrer au paradis en fonction de ses œuvres. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi que, il nous cite l'auteur ici, ainsi que l'imam Ahmed. هذا الحديث كذلك موجود في الصحيحين. Et donc ce hadith aussi, comme on l'a vu pour le premier hadith, ce hadith aussi il est dans As-Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim. Et donc ça implique, on avait vu quoi concernant les hadiths fi Sahihain, c'est-à-dire oui, mais concernant le hadith en lui-même, un hadith qui est dans Sahihain, c'est le plus haut degré d'authenticité des hadiths. Un hadith qui est dans Sahihain, le plus haut degré d'authenticité des hadiths. Il y a unanimité des savants concernant l'acceptation des hadiths qui sont dans Sahihain. Aujourd'hui, une personne ne peut pas venir et critiquer un hadith ou donc dire qu'un hadith qui est dans Sahihain, il est faible. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a unanimité des savants sur ce sujet. والمؤلف حفظه الله صدر هذا الكتاب بأحاديث في التوحيد. L'auteur, qu'Allah le préserve, Cheikh Rabi' حفظه الله, il a commencé son livre ou cet épître avec des hadiths concernant le tawhid. وهو في ذلك يسير على طريقة العلماء وأئمة هذا الشأن. Et le Cheikh Rabi', lorsqu'il fait cela, il suit la voie des ulama, ainsi que des imams de ce domaine, la science du hadith. فَإِنَّ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ بَدَأَ كِتَابَهُ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَاتِ. L'imam al-Bukhari, رَحِمَهُ اللَّهُ, il a commencé son livre As-Sahih par le hadith très connu إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَاتِ. Certes, les œuvres valent en fonction de leurs intentions. وَهَذَا الْحَدِيثِ فِي التَّوْحِيدِ. وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ مُسْلِمُ, aussi l'imam muslim, بدأ كتابه بعدد من الأحاديث في الإسلام والإيمان والتوحيد وفرض التوحيد. Aussi l'imam muslim, il a commencé son livre, donc on a d'abord Al-Muqaddima, où il aborde des sujets importants concernant la science du hadith, concernant la narration, etc. Et donc il aborde des sujets importants dans la Muqaddima. Et ensuite, lorsqu'il commence donc le livre, l'imam muslim, il aborde donc, il cite des hadiths sur la foi, sur l'islam, sur le tawhid, les mérites du tawhid, le caractère obligatoire du tawhid. Et donc, فَهَذَا هُوَ شَأْنُ الْعُلَمَ. Ça, c'est la voie des savants, la voie que les savants ils ont suivi, أَنَّهُمْ يَهْتَمُونَ بِهَذَا الْمَوْضُوعَ, parce qu'ils accordent de l'importance à ce sujet, le tawhid. Il n'y a que les soufahas, les juhal, qui vont nous dire, les ignorants, qui ne vont pas accorder d'importance à ce sujet. C'est la base de notre religion. C'est la base de notre religion. Tu peux te fatiguer, te fatiguer, te fatiguer, à œuvrer. Si tu n'as pas le tawhid, c'est fini. C'est fini si tu n'as pas le tawhid. Et donc ce sujet, c'est la base. Voilà pourquoi le cheikh, hafizahullah, il commence cette épître en citant des hadiths sur le tawhid. Wa amma qawluhu man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. فالشهادة لابد أن تكون عن علم. Et donc, en ce qui concerne l'attestation, le fait qu'ils disent, celui qui atteste qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé, il est impératif que l'attestation se fasse avec la science. وَهَذَا مِنْ شُرُوطِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Cela fait partie des conditions de la ilaha illallah, des conditions de la ilaha illallah qu'on a déjà vues et revues et encore revu. Les conditions de la ilaha illallah. Qui nous les cite rapidement, inshallah ta'ala. C'est de pouvoir aller vite là. C'est de pouvoir aller vite là. Attends, tu as dit l'ilm, moi. Masha'Allah. Ibrahim, surut la ilaha illallah. La ilm, yaqin, sidq, l'ikhlas, kaboul, mahabba. Il m'en manque un, je crois. Rafi surut, il sabat, il compte, il est. On l'a vu ensemble. Rafi moussous, il chargé. Hakkan wa la dette. فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق بها حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول وسلك والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Et donc les conditions de la ilaha illallah, العلم, comme ont cité nos frères, la science. Et donc le fait que tu connaisses le sens de cette parole, elle y a pris une incertitude, elle comboule l'acceptation, elle inquiade le fait de se soumettre et d'appliquer cette parole. Ce n'est pas le fait de dire cette parole, de comprendre son sens, comme l'ont fait les munafiqoun, parce qu'ils comprenaient le sens de cette parole, mais au final, c'était le contraire qui était fait. Donc tu dois te soumettre à cette parole. La ilaha illallah wa inqiyad, fadri me akulu wa sidq wal ikhlas. Sidq, le fait d'être sincère en cela. Contrairement encore une deuxième fois au munafiqoun, le fait d'être sincère lorsque tu prononces cette parole. Al ikhlas, donc le fait, l'exclusivité. Et donc, al ikhlas, l'exclusivité, le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Et donc, on a les conditions de la ilaha illallah, al-mahabba, l'amour. Toutes ces conditions sont importantes. Il est important que le croyant il ait toutes ces conditions. Lorsqu'il prononce cette parole, la ilaha illallah, lorsqu'il va attester qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa قال الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى qui dit dans son livre إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, sauf ceux qui ont attesté de la vérité en la connaissant, et donc en connaissance de cause, ils connaissent la signification de cette vérité. C'est pas le fait de dire là il a il Allah et on ne connaît pas le sens de cette parole. Et les savants ذكرت العلماء ومنهم العلامة الإمام ابن باز رحمه الله أن الكافر إذا أسلم يجب علينا أن نبين له معنى كلمة معنى لا إله إلا الله حين إسلامه. Ils disent, certains savants et parmi eux le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, ils disent que l'incroyant, le mécréant, lorsqu'il se convertit à l'islam, il nous incombe à nous de lui enseigner la signification de la ilaha illallah au moment où il prononce cette parole. Ne le laisse pas prononcer cette parole la ilaha illallah, il ne la connaît pas. Il faut que tu lui enseignes. Plusieurs fois le cheikh, même il a été interrogé, ya cheikh, est-ce qu'on l'arrête, est-ce qu'on lui dit? Le cheikh il dit, explique-lui la ilaha illallah. Ça ne suffit pas que tu le laisses prononcer la ilaha illallah et il ne connaît pas la signification, il ne connaît pas l'importance de cette parole et ce que cela entraîne. Non, il faut impérativement enseigner aux gens la signification de cette parole. La ilaha illallah ila ma'bouda bi haqqin illallah. Donc la ilaha illallah, comme dans la traduction, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadhihi al-kalima kanat al-arabu ya'rifuna ma'naha. Les Arabes, ils connaissaient la signification de cette parole. Même les mushrikoun, même les polythéistes, ils connaissaient cette parole, la signification de cette parole. Fa Allah tabaraka wa ta'ala dhakara anhum أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Allah تبارك وتعالى cite la parole des incroyants, des polythéistes de Quraysh qui disent concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أجعل الآلهة إلها واحدة, a-t-il fait que toutes les divinités ne soient qu'une seule divinité? إن هذا لشيء عجاب, certes ceci est quelque chose de surprenant. Et donc ils ont compris ce qui est voulu par la ilaha illallah. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas prononcer cette parole. Par contre, aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui s'affilient à la religion musulmane, ils ne connaissent pas la signification de cette parole. Et donc, regardez la situation de la communauté musulmane aujourd'hui. La parole que tu prononces pour rentrer en islam, on a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas cette parole. Beaucoup. Et quand je dis beaucoup, je pèse mes mots. C'est pas un petit nombre, les frères, un grand nombre. Et après, on nous dit que le tawhid, c'est pas important. La ilaha illallah, on connaît pas le sens de la ilaha illallah. C'est surprenant. Et en ce qui concerne la parole, wa anna Muhammadan abdullah ou abduhu wa rasuluhu, et le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Fa hadhihi shahada fiha umur. Il y a dans cette attestation plusieurs points très importants. منها أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يستحق العبادة. Il y a en cela le fait que notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم est un serviteur. Il ne mérite pas l'adoration. ولا يستنكف النبي أن يكون عبدا لله. Et le prophète صلى الله عليه وسلم ne trouve pas indigne le fait d'être un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Umar radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluhu. Al-Bukhari a cité dans son sahih selon Umar radiyallahu anhu qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: n'exagérez pas, la tutruni, n'exagérez pas me concernant, ne dépassez pas les limites me concernant, comme les chrétiens ont fait pour Ibn Maryam, le fils de Maryam, Isa, alayhi salam. Mais cependant, je ne suis que son serviteur. Innama ana abdun. Alors dites, le serviteur d'Allah est son messager. Le serviteur d'Allah est son messager. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة. Le prophète donc il ne mérite pas l'adoration, ne mérite pas qu'on l'invoque. ومما يدلنا على أنه لا يستحق العبادة أنه لا يعلم الغيب وأن الأمر ليس بيده. Parmi les éléments qui montrent que le prophète صلى الله عليه وسلم ne mérite pas l'adoration, il y a le fait que il ne connaissent pas l'invisible et que l'ordre, le commandement n'est pas entre ses mains. Le commandement n'est pas entre ses mains, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce même sujet, on le verra pour Isa, inshallah ta'ala, au prochain cours. فكان النبي sallallahu alayhi wa sallam يدعو على بعض الناس ويذكر أسماءه كما جاء في مسند الإمام أحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait contre certaines personnes en citant leur nom. Comme cela a été cité dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Ce même hadith, la base du hadith a été cité dans le Bukhari. Elle a été citée dans le Bukhari. Sauf que le Bukhari, dans la narration qui est dans le Bukhari, ne cite pas les noms de ces personnes. Il invoquait après le Fajr, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulan. C'est pas cité les noms. Maudit un tel et un tel. Dans la narration de l'imam Ahmed, leurs noms ont été cités. Allahumma al'an fulan. Oh Allah, maudit un tel. Il'an al-Harith ibn Hisham. Maudit al-Harith ibn Hisham. Allahumma al'an Suhail ibn Amr. Maudit Suhail ibn Amr. Allahumma al'an Safwan ibn Umayyah. Oh Allah, maudit Safwan ibn Umayyah. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء. الله تبارك وتعالى il a alors fait descendre sa parole ليس لك من الأمر شيء. Tu n'as aucune part du commandement, rien du commandement. ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Soit il les pardonne, soit il les châtie, car ce sont des injustes. وهؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا. Et ces trois-là, ils se sont convertis par la suite. Ces trois-là que j'ai cités se sont convertis par la suite. بل كانوا من خير جنود المسلمين. Plus que cela encore, ils faisaient partie des meilleurs des combattants des musulmans par la suite. Dans les armées des musulmans. فقالت العلماء هذه القصة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة. Les savants nous disent, cette histoire, elle nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration. La yastahiqu al-ibadah. Pourquoi? Awalan, anna al-amr laysa biyadih. L'ordre, le commandement n'est pas entre ses mains. C'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala. On verra la même chose pour Isa. Et quand je dis on verra la même chose pour Isa, c'est en citant les preuves de la Bible. Et dans la Bible, aussi, on montre Isa qui montre clairement que c'est pas lui qui décide. Et donc ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gère toutes choses. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui gère et qui décide. Et donc, le prophète ne mérite pas l'adoration. Les savants nous disent « Wa fi hadhi al-qissa, wa fi hadhi al-haditha, anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la ya'lamu al-ghaib. » Il y a aussi dans cette histoire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaisse pas l'invisible. « Li'annahu law kana ya'lamu al-ghaib, ma kana yad'u ala ha'oula. » S'il connaissait l'invisible, il n'aurait pas invoqué contre eux. S'il savait qu'ils se seraient convertis, il n'aurait pas demandé la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux. Il y a aussi dans cette histoire Allah tabaraka wa ta'ala lam yastajib li nabiyhi fi hadha al-amr. Il y a aussi le fait que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas exaucé, il n'a pas répondu à la demande de son prophète dans ce sujet. Fal amru bi yadillahi wahdahu. Et donc le commandement est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala seul. C'est lui qui gère toutes choses et il fait ce qu'il veut. تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك رسول الله donc le prophète صلى الله عليه وسلم comme il est cité ici عبده ورسوله son serviteur et son messager et donc فهو مبعوث il a été envoyé Allah تبارك وتعالى l'a envoyé Inna arsalnaka linnasi bashiran wa nadira. Certes, nous t'avons envoyé aux gens, bashiran, annonciateur d'une bonne nouvelle, et nadiran, mettant en garde contre un châtiment terrible. Wallahu tabaraka wa ta'ala idha arsala nabiyan. Arsala ma'ahu ayat. Dalla ala sidqihi. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il envoie un prophète, il envoie avec lui des signes qui montrent le caractère véridique de ses propos. Ce n'est pas n'importe qui peut dire « Je suis le messager d'Allah ». Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie toujours ses prophètes et messagers, il les envoie avec des signes qui montrent le caractère véridique de leurs propos. « Falidhalika an-nasara allafu kutuban fi hadha al-bab. » Les chrétiens, ils ont écrit des livres sur ce sujet. Quel sujet ? Le sujet des miracles. Le fait que lorsqu'il y a des messagers, ils sont envoyés avec des miracles qui montrent la véracité de leurs propos. Pourquoi ils ont écrit ça, les chrétiens? Pourquoi est-ce que les chrétiens ils écrivent des livres sur ce sujet? C'est pour répliquer aux juifs. Pour dire aux juifs, regardez, vous avez affirmé la prophétie d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont des miracles. Et donc on fait une liste, regardez les miracles, il y a ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Et donc vous devez croire en Issa. Et donc les musulmans, ils viennent, ils disent, « Taïb, ayyuhan nasara, vous avez vous cité vous-même les signes de la prophétie, le fait qu'il y ait tel miracle, ça, ça, ça, ça, ça. » On regarde, est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est venu avec des signes, avec des miracles? Oui, taïb, on fait quoi maintenant? Pourquoi est-ce que vous n'affirmez pas, « Limadha la tukirun bi risalati Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. » Pourquoi est-ce que vous n'affirmez pas et vous ne croyez pas en la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Alors qu'il est venu avec des preuves évidentes. Il est venu avec le plus grand des miracles. Le plus grand des signes, qui est le Coran. Pourquoi? Pourquoi le Coran c'est le plus grand des signes? Pourquoi est-ce que le Coran, c'est un signe qui est plus grand que le fait que Isa alayhi salam, il est ressuscité des morts? Pourquoi? C'est important, les frères. Nous, on vit au milieu des chrétiens. C'est important qu'on ait des arguments. C'est important que tu puisses parler avec tes voisins. C'est très important. On a nos frères convertis aussi. C'est important qu'ils aient des arguments pour parler avec leur famille, pour les prêcher à l'islam. Le fait que Allah guide par ta cause un seul homme est mieux pour toi que les chamelles rousses. Les chamelles rousses, c'était les biens qui avaient le plus de valeur chez les Arabes. Et donc, c'est mieux pour toi que les biens qui ont énormément de valeur. Le fait que Allah guide par ta cause un seul homme, un seul individu. Et donc, pourquoi est-ce que le Coran, tu te retrouves devant un chrétien, tu lui dis de toute façon, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec un miracle plus grand que les miracles de Jésus. Un chrétien, est-ce qu'il peut venir aujourd'hui et nous dire « J'ai vu Jésus ressuscité à mort. » Il ne peut pas nous dire ça. J'ai vu, tu peux pas. Il ne peut pas nous dire ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé à une époque et qui s'est arrêté à ce moment même. À partir du moment où le mort il s'est réveillé, ça c'est fini. Les gens, ils ont vu ce qui s'est passé. L'histoire s'arrête là. Le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un miracle. Comment ça, ceci est un miracle? Il ne connaît pas l'écriture. Il ne sait ni lire ni écrire. Et ça, ça fait partie des signes de la prophétie Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait ni lire ni écrire. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiy al-ummi. Le prophète illettré. Pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi un prophète illettré pour guider la communauté, pour leur montrer un signe évident que ce message qu'il a ne peut lui venir que d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Il ne pouvait pas donc chercher les histoires des peuples, des communautés anciennes dans les livres des chrétiens et des juifs. Il ne pouvait pas, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est un miracle, le fait qu'il vienne avec tous ces détails. Où a-t-il pris tous ces détails concernant Isa, concernant Moussa et les autres prophètes? Où les a-t-il pris si ce n'est dans Allah tabaraka wa ta'ala? Premièrement. Deuxièmement, eh bien le fait que cela perdure dans le temps. Jusqu'à aujourd'hui, on récite les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce miracle-là, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, on la récite. Au Fajr, à chaque prière, on est obligé de réciter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, c'est un miracle qui perdure dans le temps. Il perdure dans le temps. Voilà pourquoi il est donc le plus grand des miracles, le plus grand des signes de la, qui montrent la véracité des prophètes. Un autre point que les savants ont cité concernant le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'onouka ta'taqidu anna Muhammadan Rasulullah hadha yastalzimu umuran. Le fait que tu aies la ferme croyance que Muhammad est le messager d'Allah, cela implique forcément plusieurs points. On a déjà vu ça dans Usul Thalatha et dans d'autres livres. Cette parole, elle est très très connue et très souvent répétée. Premièrement, annaka tuti'uhu, que tu obéisses à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas nous dire c'est le messager d'Allah. On te dit le messager d'Allah a dit de faire ça et toi tu... Non. Tu crois fermement que c'est lui le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit kullu ummati yadkhulun al-janna illa man aba. Toute ma communauté rentre au paradis sauf ceux qui ont refusé. Wa man ya'ba ya Rasulallah, qui refuse au messager d'Allah? Man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani dakhala an-nar. Wa man 'asani faqad aba. Celui qui m'obéit rentre au paradis et celui qui me désobéit a refusé. Et donc si tu crois fermement que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu dois lui obéir. Et tu dois croire en tout ce qu'il dit. Il ne parle pas selon la raison. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation qui lui est faite. Et donc on n'a pas le droit de rejeter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois délaisser ses interdits. Tu dois délaisser tout ce qu'il a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as la ferme croyance que c'est lui le messager d'Allah. Wa kadhalika أنت لا تعبد الله تبارك وتعالى حسب رأيك أو رأي فلان. Tu n'adores pas Allah تبارك وتعالى en fonction de ton avis, ton opinion ou l'opinion d'un tel. Tu adores Allah تبارك وتعالى en fonction de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous a expliqué. Et donc, c'est important, oh mes chers frères, qu'on comprenne ce principe. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il te dit جميع أهل البدع. Subhanallah. جميع أهل البدع. لم يكروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الشكل التام. Il te dit tous les innovateurs, tous, n'ont pas affirmé la véracité, le fait que Muhammad صلى الله عليه وسلم est le messager d'Allah de façon complète. Il y a une imperfection dans leur attestation. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ils te font des innovations. Il y a une imperfection ici. Pourquoi? Parce que si tu as la ferme croyance que c'est lui le messager d'Allah, et donc c'est lui qui te montre comment aller au paradis. Ce n'est pas un tel ou un tel ou un tel. Et donc ça c'est important, les frères, qu'on comprenne ce sujet. Un point important, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise « La tuturuni, n'exagérez pas, ne dépassez pas les limites me concernant. » On ne doit pas exagérer, dépasser les limites concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fama balukum bi ghayrihi. Que dire des autres, comme dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, en répliquant au soufi. Elle dit subhanallah, on ne peut pas exagérer concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des créatures, vous allez exagérer concernant vos choujours. Même fil ittiba', même dans le suivi, on a aujourd'hui les sectes qui exagèrent concernant leurs choujours. Et donc ça, c'est un fondement, les frères d'Ahl Sunnah wal Jama'a. On n'exagère pas, on met chaque personne à sa place. On met chaque personne à sa place. Ça fait partie des caractéristiques de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On reprend. Donc, Allahu A'lam. Bientôt, Inch'Allah, je pense revenir. Et on va aborder le sujet de Issa. Ce sujet d'Issa qui est peut-être un petit peu long. On verra ça la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wa faqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa arda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah. Merci beaucoup.